Les nuits de France Culture, la nuit rêvée de Jean-Marie Perrier. En votre compagnie, Jean-Marie Perrier, nous avons pu entendre Jacques Porel, votre grand-père, donc au micro de Marianne Monesti. Il parlait pendant 7 minutes. Il parlait du soir, de la journée et la soirée, donc où Réjeanne, votre arrière-grand-mère, est morte et du premier visiteur venant, en somme, lui présenter ses condoléances, un certain Marcel Proust. Puis Françoise Hardy au micro d'Émile Noël, c'était en 1971 pendant une heure et demie. Puis Réjeanne, une émission de Béatrix Dussane qui est donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Qui était ma marraine. C'était votre marraine. Avec André Castelot. Et j'ai connu ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Elle ne vous a fait aucun cadeau? Non. Bon, bah cette nuit, voilà. Pas grave. Grâce à cette nuit, à cette diffusion, vous l'entendez. Vous l'avez pu l'entendre dans des chandelles au projecteur parler de Réjeanne. Et puis à l'instant, donc, François Perrier disant un texte d'Ernest Hemingway, La capitale du monde. Ça, c'est dans l'émission Bonne nouvelle, grand comédien de Patrice Galbeau. C'est étonnant, dans la première partie, vous m'avez dit, Jean-Marie Perrier, que votre père, donc François Perrier, n'était pas intéressé par la musique. Non, du tout. Non, pour lui, la musique, c'était les mots. C'était ça, sa musique. Ce que je comprends très bien, d'ailleurs. Elle m'impressionnait, cette musique-là, parce que je me souviens, quand j'allais le voir au théâtre, à la Michaudière, vous savez qu'il a dirigé la Michaudière pendant longtemps, donc j'allais le voir... D'ailleurs, j'aimais pas du tout le théâtre à cause de ça, parce que d'abord, je trouvais que dans la salle, ça sentait le vieux, je sais pas pourquoi, j'avais une... Et puis, j'avais l'impression qu'on me volait mon père, quand même, parce que, bon... En fait, j'ai très très peu vu mon père quand j'étais jeune, je n'ai jamais été en vacances avec lui, parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas le temps. Vous dites que l'après-midi, il tourne un film, le soir, il est au théâtre, et que le matin, une petite radio ne lui fait pas peur. Non, mais ou alors, il fallait pas faire de bruit jusqu'à 1h de l'après-midi, donc si vous voulez, c'était... J'allais le voir au théâtre, et là, ce qui était merveilleux dans ce théâtre de la Michaudière, donc c'était la musique de mon père, des mots de mon père, qu'on entendait dans les couloirs. Il y avait, vous savez, ces haut-parleurs de rappel pour les acteurs, pour qu'ils, dans les loges, ils sachent à quel moment ils doivent rentrer sur scène. Donc, j'entendais sa voix, et avec ma sœur, on était terrorisés quand il se mettait en colère, parce qu'on avait l'impression qu'il nous engueulait. Mais ce que j'adorais à la Michaudière, c'était venir vers avant l'entracte. Parce que tous les soirs, le problème était de sortir Yvonne Printemps du bar. Du bar. Et du champagne. Parce qu'elle était bourrée comme un coin, tous les soirs avec sa voilette. Elle aimait bien, elle se penchait sur le truc. Bon, et il y avait derrière Pierre Fresnay qui essayait de la convaincre qu'il fallait sortir avant que les gens arrivent pendant l'entracte. Parce qu'elle, sans ça, elle les engueulait. Mais vous ne comprenez rien au thé. Être bon, c'était extraordinaire. Donc après, elle allait hurler dans les coulisses. Donc ça, c'était merveilleux à voir pour moi. Tous les soirs, j'allais pour ça. Alors, ce qui m'a étonné, Jean-Marie Perrier, quand vous avez dit que votre père n'était pas intéressé par la musique, c'est que j'associais enfant François Perrier à la musique. Écoutez. Il fut un temps très lointain où les instruments de musique ne se connaissaient pas entre eux. Chaque famille d'instruments vivait séparée des autres, et c'était bien dommage. Ce furent les petits violons qui, par hasard, découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls instruments au royaume de la musique. Vous allez apprendre comment. Et on a tous appris comment les petits violons avaient rencontré piccolo, puis saxo, puis grand-père basson, puis grand-mère harpe, non, tante harpe, je sais plus, enfin bref, Jean-Marie Perrier. C'est merveilleux de l'entendre parler comme ça, parce qu'au fond, là, la Demoiselle, façon qu'il a de parler, c'est comme il nous parlait à nous, c'est qu'il apprend quelque chose à des enfants, quoi. C'était très... Mais bon, il y a une histoire que j'ai déjà racontée, mais... qui m'a toujours amusé, parce que c'était ça, au fond, l'éducation qu'il nous a donné, même si on le voyait pas énormément. Un jour, je me souviens, on était dans la campagne, dans sa voiture, et j'avais avec mon frère, on était à l'arrière, et je ne sais pas lequel des deux, mais on s'engueule, et tout à coup, il y en a un qui dit « Ah, me fais pas chier !» Et mon père freine, s'arrête, se retourne, et dit « On dit « ne me fais pas chier !» Voilà, c'est ça de l'éducation. Ça, c'est merveilleux comme souvenir. Alors, vous étiez trop grand, peut-être, Jean-Marie Perrier, et encore, pour écouter, c'était en 56, je crois, 57, Piccolo Saxo et compagnie, musique d'André Pop, et apprendre la musique et les instruments grâce à la voix extraordinaire de votre père. Oui, c'est toute une génération, sûrement. Mais moi, j'étais avec Daniel Philippaki. Oui, alors, c'était extraordinaire, parce que tout à coup, je me trouvais avec un type qui était beau, qui était intelligent, qui avait eu l'intelligence d'aller en Amérique avant tout le monde et de comprendre que ce qui se passait là-bas allait se passer chez nous, il apportait le jazz. Et tous ces gens que je voyais, tous ces musiciens extraordinaires que je voyais au Club Saint-Germain quand ma mère y dansait, tout à coup j'étais avec lui, il me parlait. Donc c'était magnifique. Oui, parce que ça s'est fait comment alors? Donc on a su, vous nous avez dit que quand on ne sait pas quoi faire de son fils, c'est un journaliste... Qui s'appelait Beno Graziani, un type absolument adorable, qui a eu l'intelligence de me présenter à Daniel Filippacchi. Parce qu'il m'aurait présenté un photographe de guerre, j'aurais fait la guerre. Hein, en disant, quand on ne sait pas quoi faire de son fils... On le met à Paris Match. Voilà. Parce qu'à Paris Match, il faut bien dire qu'à l'époque, c'était un journal... Il y avait du pognon et puis surtout il y avait Prouvot qui avait l'ambition pour son journal et les rois du monde c'était les photographes. Et il y avait un million et plus de lecteurs, d'acheteurs. C'est énorme et surtout ces types-là, ils faisaient la guerre, ils se tapaient des princesses, ils roulaient en Ferrari, c'était les dieux. Hein, donc il m'avait dit tu veux être photographe, moi de toute façon, moi ma vie elle était finie. Plus de musique. Donc plus de musique, donc il m'aurait dit plombier, j'étais d'accord. Hein. Aucune envie d'être comédien. Ah non, jamais. Non, impossible. Non, d'abord parce que quand on a un père comme ça, non, on n'est pas comédien, c'est pas la peine. Ou enfin, faut vraiment être très très sûr de soi. Donc, je me retrouve là avec un type extraordinaire qui me donne au fond une deuxième éducation. Donc, ma chance dans la vie, ça aurait été mon père d'abord et Daniel Filippacchi ensuite. Tout à coup, il m'embarque, il me parle comme à un homme. Fini l'enfance, hein, fini les problèmes. Là, il m'embarque. Et en plus, il me donne un Leica. Il me dit, tiens, maintenant, tu vas aller en tournée avec Ella Fitzgerald et Dizzy Gillespie. Et hop, en avant. Bon, et je me retrouve à 16 ans dans un rôle de photographe. Alors, j'en fais physiquement 12. Donc, c'était insensé comme chance, si vous voulez. Je fais ça pendant 3 ans, 4 ans. Ensuite, je travaille un peu à Paris Match où on voulait que je sois paparazzi. Alors là, je peux vous dire, c'était un gâchis total parce que j'étais incapable de prendre une photo sur le vif et de voler une photo à quelqu'un. Vous dites même dans L'Enfant gâté, donc paru chez IXO, Jean-Marie Perrier, que vous planquez pendant des jours, peut-être pour photographier Brigitte Bardot. Trois mois. J'ai planqué pendant 3 mois Brigitte Bardot parce que Roger Théron, qui dirigeait le journal à l'époque, parce que Brigitte avait était mariée avec Jacques Charrier, qu'il était parti pour l'armée, donc il nous avait dit voilà, tout ce qu'on vous demande, c'est une photo, un gros plan d'elle en train de pleurer, démerdez-vous, hop, en avant. Et j'ai attendu pendant 3 mois, et je me souviens que pendant, à un moment donné, je me suis trouvé dans la forêt de Louveciennes, avec mon appareil, Brigitte était de dos, je la suivais de loin, j'étais très mal à l'aise, tout à coup elle se retourne, elle était en larmes. Et là, au lieu de faire la photo, j'ai dit « Excusez-moi, je suis parti en courant ». Donc vous voyez, c'est la fin de ma carrière de paparazzi. Bref, c'est mieux. Avec Daniel Filippacchi, il m'a donné énormément ce type-là, de faire confiance comme ça à un môme. Et il l'a prouvé encore par la suite, parce que je pars ensuite pour l'armée, parce qu'à l'époque on faisait 28 mois, la guerre d'Algérie, tout ça. Bon, je reviens. Et je tombe sur Daniel Filippacchi par hasard. Moi, j'étais à Télé 7 jours. Bon, j'étais très content d'avoir un boulot. Et il me dit, ah bon, alors tu veux pas faire, je vais faire un petit journal de musique. Est-ce que tu veux pas le faire avec nous? Je plonge. Et là, c'est évidemment, c'est miraculeux. Le premier numéro, on le tire à 100 000 exemplaires. 3 jours plus tard, il doit en retirer 100 000 parce que c'est la guerre dans les kiosques. 6 mois plus tard, on est à 1 million et ça dure pendant 15 ans. Bon. Donc, voilà tout ce que je dois à Daniel, c'est ça, c'est de faire confiance à des gens très très très jeunes. Quand il a donné Mademoiselle H. Tendre à ma sœur, elle avait 18 ans. La moyenne d'âge de l'équipe de Salut les copains en 1962, c'est 22 ans. C'est-à-dire du patron au cycliste, hein. C'est hallucinant. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, dans la presse. Peut-être dans l'informatique ou sur Internet, mais... Alors, il y avait l'émission de radio qui existait, quand même. Ah ben, il y avait d'abord Pour ceux qui aiment le jazz, dans les années 50, et ensuite, Salut les copains. Salut les copains, qui est une idée, en fait, au départ de Lucien Maurice, qui dirigeait Europe 1, et qui avait mis une jeune fille... qu'il avait pris pour l'été, une américaine, en lui disant « Tiens, tu vas passer des musiques américaines comme on entend là-bas. » Bon, elle avait fait cette émission pendant l'été et elle avait une particularité, cette jeune fille. Elle avait un chat qu'elle mettait sur la table devant le micro et elle parlait à son chat. Et un jour, Lucien Maurice, qui dirigeait l'Europe, appelle Daniel, lui dit « Il est pas mal l'émission de la petite, qu'est-ce que t'en penses ?»« Bah oui, c'est bien, oui. Mais écoute, le problème, c'est qu'on comprend pas bien ce que dit le chat. Tu veux pas remplacer le chat ?» Daniel dit « Bon, d'accord. » Et c'est comme ça que la carrière de Filippacchi a démarré avec « Salut les copains », en remplaçant un chat. Puis quand je reviens de l'armée, il me dit « On va faire ce journal. » Et hop, et j'en prends pour 12 ans. Alors on a dit en première, vous avez dit dans la première partie de votre Nuit rêvée, Jean-Marie Perrier, on a parlé de ce musée Jean-Marie Perrier qui est donc à Villeneuve d'Aveyron. Oui. Voilà, où on peut voir toutes ces photos, enfin non, un certain nombre de photos. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces photographies qui n'avaient absolument aucune prétention, moi si on m'avait dit à l'époque qu'on les regarderait encore aujourd'hui, je l'aurais jamais cru, elles étaient faites pour être sur les murs des chambrettes, c'était du spectacle, c'était gai, c'était pas prétentieux, c'était rien d'autre. C'était donc forcément extrêmement mal vu par l'intelligentsia et les intellectuels parisiens, car comme vous le savez, il ne faut jamais être associé à un succès populaire. Jamais en France. Il faut la seule façon d'être respecté, et vous verrez que ça arrivera, la seule façon, c'est d'être mort. Alors je peux vous dire que ce jour-là, ils verront tous, ils diront « c'était formidable ». Mais pour l'instant, je suis encore là. Donc ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ces photographies, je l'ai pu les mettre dans ce petit musée merveilleux où il y a quand même 190 tirages, mais des grands, hein. Et il y a des gens de tous âges qui viennent. Et ça, c'est très, très émouvant de voir 50 ans plus tard. Et c'est ça ma chance, au fond, parce que ça aurait pu être complètement démodé. Mais vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'en réalité, je sais pourquoi aussi. D'abord, elles sont toutes en couleur, parce que c'était pour les chambres, donc il fallait que ça soit gai. Hein. Et ça, c'est des couleurs, d'une certaine manière, vous avez inventées, parce que vous nous avez dit dans la première partie que c'était très, très fabriqué au sens où très, très posé, oui. Très joué, etc. Oui, mais si vous voulez, où j'ai de la chance, c'est que généralement, quand les photographes veulent être considérés comme des grands photographes, ils font du noir et blanc. Le noir et blanc, ça rate jamais. Tout de suite, on dit, attention, là, c'est du sérieux. Faites de la couleur, bon, c'est pas très respectable. Et en plus, ça peut vieillir très mal. Moi, la chance, c'est qu'apparemment, elles vieillissent pas mal, puisque les gens me disent cette phrase formidable. Enfin, ils emploient ce mot formidable, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Ils disent, c'est très, très moderne. Bon, quand on dit ça, en général, c'est qu'on sait pas quoi dire. Mais, en tout cas, ils les trouvent bien, les photos. C'est quand même une chance folle. J'ai rien fait pour, moi. Bah, vous avez été dans les années 60. Est-ce qu'il y avait des couleurs années 60? Ça existe? Non, je crois pas, je pense pas. Non, j'en sais rien. Mais c'est pas moi. Ouais. J'ai jamais réfléchi à tout ça. J'ai jamais réfléchi à rien d'ailleurs. Si vous voulez savoir la vérité, j'ai toujours fait et ensuite j'ai réfléchi et je regrette pas parce que si j'avais réfléchi avant, je crois que j'aurais rien fait du tout. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est de pas réfléchir. J'ai fait du cinéma, j'avais même pas appris. J'ai pris une caméra, boum, je suis parti. Premier, c'était en Guyane avec mon frère Marc Porel et Dany, la chanteuse. J'avais jamais fait de cinéma de ma vie. Donc, il fallait quand même être un peu pas sérieux, quoi. Pas raisonnable. Mais de toute façon, c'est mieux de pas être raisonnable. Je suis convaincu que la chose la plus déraisonnable du monde, c'est d'être raisonnable. Vu qu'on vit qu'une fois, hein, autant y aller à fond. Donc, à chaque fois, moi, j'ai plongé. Hein. La piscine, comme Esther Williams, s'il n'y a pas d'eau, boum, on s'écrase. Et s'il y a de l'eau, on nage. Ce qui compte, c'est le vol. C'est quand on y croit. C'est quand on plonge. Et c'est pour ça que j'ai jamais réfléchi. J'ai fait. Et après, je me suis dit, bon, ça, c'est bien. Oh, là, t'aurais peut-être pas dû. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est le vol. C'est quand on y croit. Est-ce que Jean-Marie Perrier, alors on a tous en tête, parce qu'on a pu voir justement, il y a une exposition à la Grande Arche de la Défense en début d'année, il y a tous les livres où on peut retrouver vos photos, il y a ce musée dans l'Aveyron. Ouais. Ils sont épuisés mes livres hein, d'ailleurs. Ils sont épuisés, ben, oui, à vous de les rééditer. J'en fais à nouveau l'année prochaine d'ailleurs. Très bien. Bon, pour mes 80 ans. J'ai décidé pour mes 80 ans, je ferai mon dernier livre sur les années 60. D'accord. De photos. On dit ça, puis pour vos 100 ans, vous en ferez un. Je ne pense pas. Bon. Alors, donc, ces couleurs, alors, ces photos, on a en tête Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, François Hardy, les Stones, oui. Les Beatles, etc. Et tout. Puis, enfin, voilà, photographie, en effet, dans leur intimité, parce que vous avez leur âge, et vous êtes même un peu plus jeune. Et voilà, vous êtes autour d'eux, vous les photographiez. Mais il y a bien, dans le lot, sans doute, des gens. Alors, il y a aussi la grande photo, on voit tous les ouais, chanteurs. Oui, oui. Bon, c'était simple, ça, en fait. Vous comprenez? C'était simple parce que, je vous dis, on avait le même âge et que c'était pas sérieux. Bon, on leur a dit, c'est Daniel, je crois, qui avait eu l'idée de faire ça pour les 50, celui des copains. Il avait dit, bon, on va réunir tout le monde. Bon, on les a appelés 3 semaines avant. Et puis voilà, ils étaient tous là. Clic, clac, merci Kodak. Mais, et puis on a bu un coup, oui. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que, oui, j'avais mis Johnny un peu plus haut, je sais, parce que ça, on en parle tout le temps. J'avais mis Johnny un peu plus haut, mais avouez que c'était quand même perspicace. Parce que c'est vrai, comme je pensais, moi, que tout est arrivé par lui. dans les années 60. C'est grâce à lui qu'on a existé au fond. C'est grâce à Johnny. Donc, je m'étais dit, il faut le mettre plus haut, mais il fallait pas vexer les autres. Donc, j'ai installé tout le monde en face de moi, puis j'avais laissé traîner une échelle. J'ai mis Johnny là-haut, j'ai dit au dernier moment, j'ai dit, je te vois pas bien, monte d'un cran, puis voilà, hop, c'était fait. Mais c'était normal. Et vous ne vous êtes pas dit, Jean-Marie Perrier, tiens, alors ça, c'est les chanteurs et les chanteuses de Salut les copains, donc ils ont leur public qui achète le journal, qui écoute à la radio sur Europe 1. Mais vous n'avez pas eu envie de demander, c'était quelle année d'ailleurs? 66. Vous n'avez pas eu envie de demander à Jacques Brel de venir, tiens, vous arrêtez le tour de chant, Jacques Brel, vous pourriez peut-être venir. Mais non, parce qu'on était très sectaires en réalité. Mais c'est un peu normal. Parce que n'oubliez pas que les adultes, les journalistes, les gens des médias disaient un mal de chien de ces mômes qui démarraient. Donc si vous voulez, nous on était un peu resserrés entre nous, et je suis passé d'ailleurs à cause de ça, à côté de Brel, Brassens, Barbara, Léo Ferré, tout ça, je les ai jamais vus. Hein, parce que effectivement, nous on faisait notre petit public, hein, on était très très très très renfermés, et c'est vrai qu'au fond, c'est dommage, je le regrette. Enfin bon, Brassens, j'ai réussi à faire un film plus tard avec lui, un film de télé, parce que je voulais rencontrer une fois ce type-là. Mais c'est vrai que on n'avait pas le choix. De toute façon, ça correspond à la phrase que m'avait dit Philippe Aki quand on a commencé le journal. Il m'avait dit cette phrase, il m'a dit « Tout ce que je te demande, c'est que tes photos déplaisent aux parents. » Et puis voilà, il ne m'a plus jamais rien dit pendant 12 ans. Et c'est vrai que ces photos-là, voilà, vous comprenez ce qui est formidable, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que des enfants gagnaient plus d'argent que leurs parents. C'était jamais arrivé, ça. Quand Johnny bousille une Ferrari, il dépense plus en 10 minutes que la plupart des parents en un an. Donc c'était très agressif aussi, les jeunes de cette génération-là. Ça faisait du bruit, hein, ça cassait des fauteuils. Mais vous n'avez pas, Jean-Marie Perrier, fréquenté que des jeunes de votre âge et des jeunes yéyés. Vous avez aussi rencontré et voulu faire entendre aux auditeurs de votre nuit rêvée des gens comme Paul Jégoff, comme Pascal Jardin. Oui, oui. Alors ça, c'était des types extraordinaires parce qu'ils étaient d'ailleurs très différents. Mais ils avaient en commun une chose absolument magnifique, c'est que d'abord, c'était des types qui étaient en dehors du système, en dehors de la société quand même, surtout Pascal. Surtout non, surtout Paul Jégoff était encore plus torturé, là. Paul Jégoff. Oui, mais selon m'en croire l'émission qu'on va entendre de Christophe Deleu dans Surpris par la nuit. Oui, mais ce sont des gens, je les appelais tous les matins, et la vie qu'ils avaient sur le monde, sur n'importe quoi, sur tout, c'était différent de ce que j'entendais partout. Vous savez, c'est très rare les gens qui vous disent des choses que vous n'attendez pas. Parce que la plupart des gens, vous savez ce qu'ils vont vous dire et ils le disent en plus. Là, eux, ils me disaient des choses extraordinaires. Ils avaient un avis sur tout. C'était des hommes absolument merveilleux. Voilà, oui, je les regrette. Tous les matins, je ne peux plus les appeler. Alors, scénariste? Alors, Paul était scénariste de Chabrol, de Daniel Valcroze. C'est lui qui avait fait le film de Clément, Plein soleil, c'est lui. Les bonnes femmes, le boucher de Chabrol, c'était un formidable, formidable scénariste et dialoguiste surtout. Alors j'ai habité avec lui, chez lui, pendant 3 ans, avec sa femme et ses enfants. On peut même pas imaginer ce que c'est aujourd'hui. C'était des gens qui vivaient comme des princes, alors qu'ils n'avaient pas vraiment d'argent, ils claquaient tout allègrement. Alors, c'est impossible à décrire en deux minutes, là. C'est pas possible. Mais d'ailleurs, il y a un film qui existe. Oui, il y a un film que Claude Chabrol a fait, dans lequel il fait jouer Paul Jégoff et sa femme Danielle, qui s'appelle Une partie de plaisir. C'est un film plus ou moins réussi, mais dans lequel on voit Paul Jégoff et comment il vivait dans cette maison de Vauréal. C'était extraordinaire, extraordinaire. Mais vous voyez, j'arrive même pas à vous l'expliquer, là. Bon, de toute façon, on va entendre 1h15 d'émission sur Paul Jégoff, donc on en saura plus sur lui. Pascal Jardin, là, il était au micro de Denise Alberti en 1973, il venait parler de ses livres. Vous l'avez fréquenté aussi, beaucoup? Oui, alors on a des liens très curieux, parce que c'était vraiment mon ami pendant très longtemps. Ça l'est toujours resté, d'ailleurs. Et puis un jour... alors lui, c'est un type qui vivait d'une façon très extraordinaire. Surtout sa femme était fantastique. Tout ça vivait en communauté. Elle avait deux autres hommes dans sa vie. Enfin, c'était vraiment des gens très rares qui ressemblaient à personne. Et d'ailleurs, Pascal, un jour, je me souviens, m'a dit... j'étais marié avec une fille formidable, c'était Nathalie. Et il m'a dit un jour, tu sais, là, tu t'en occupes pas vraiment bien. Un jour, tu vas te la faire piquer si tu continues comme ça. Il m'a dit ça 5 ans avant de le faire lui. Mais je suis sûr qu'il ne le savait pas quand il me l'a dit. Et effectivement, 5 ans plus tard, ils sont tombés fous d'amour. Et donc, c'est pour ça que je suis parti en Amérique. Parce que bon, c'était le seul moyen de pas les perdre. Si je reste, je perds les deux. Donc, je suis parti. Mais vraiment, j'ai la nostalgie de cette époque et de ces gens-là. Heureusement, je l'ai vu avant qu'ils meurent. C'est-à-dire que les décennies, que vous dites que tous les 10 ans, vous changez de vie, oui. Jean-Marie Deux vies, deux pays, deux métiers, deux femmes, de tout. Oui, mais ça, c'est une chance. C'est parce que, je vous dis, c'est parce que ma vie, elle est ratée, si vous voulez. Donc, oui, si, elle est ratée. Elle est ratée, mais j'ai bien réussi mon ratage. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que si j'avais été musicien, j'aurais fait exactement ce que j'avais envie de faire. Mais allez savoir, j'aurais peut-être été un musicien médiocre. Moi, évidemment, je pensais que Michel Legrand avait qu'à bien se tenir. Hein. Mais j'aurais peut-être eu une vie minable. Et grâce au fait que j'ai pas fait ce que je devais faire, j'ai eu une vie absolument extraordinaire. Moi, je me plains pas du tout. Hein. Et c'est vrai, j'ai changé de vie tout le temps. Et c'est une chance. Et c'est ça que je dis toujours aux mômes que je rencontre. Je leur dis, putain, surtout, changez votre vie régulièrement. Vous en avez qu'une. Hein. Croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. Là, non, ça, c'est des conneries. Changez de vie, prenez des risques, hein, écoutez personne. C'est simple, d'ailleurs, je leur dis surtout écoutez personne et surtout n'écoutez pas les vieux, d'ailleurs. Parce que les vieux, ils vous parlent de l'expérience, c'est des conneries, l'expérience n'existe pas. On refait les mêmes bêtises toute sa vie. Donc écoutez personne. Un gamin, vous deviez, enfin adolescent, préadolescent, vous deviez écouter un certain James Dean. En tout cas, vous avez voulu faire écouter une émission un mardi du cinéma, et puis taf, pour un cow-boy canonisé par Francesca Piolo. C'est une émission de 1985, c'est ce qui terminera votre nuit rêvée, Jean-Marie Perrier. Là, vous n'aviez pas l'âge de James Dean. Non, là, c'était en 55, c'est sorti en 55. J'ai vu ça au cinéma, ça s'appelait À l'Est d'Éden. C'était un film extraordinaire. Je l'ai vu 18 fois d'affilée. D'abord parce que c'était la première fois qu'on voyait vraiment l'histoire d'un adolescent. En plus de ça, si vous voulez, quand on voyait un môme beau comme un dieu, qui est un rebelle dans sa famille, qui a une histoire très compliquée avec sa mère et son père, et que tout à coup, il rentre bourré le soir, il dit à son père, moi l'amour, j'y crois pas, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Vous prenez ça dans la tronche à 15 ans, je peux vous dire, ça vous en relevez jamais. Hein. Mais vous, mais tous les adolescents peut-être s'en sont remis, certains adolescents, non? Ben non, vous savez que ça a touché énormément de pays, hein, ce film, c'est insensé. Et heureusement, dans un certain sens... Il a fait que 3 films, hein. Et peut-être heureusement. Parce que finalement, je crois qu'il faut savoir mourir à temps. Non, mais c'est vrai. Regardez Claude François, par exemple. J'aimais bien, moi, j'aimais pas ce qu'il chantait, mais j'aimais bien le bonhomme, parce que je le connaissais depuis... En plus, on est né le même jour, bon, ça crée des liens. Mais vous rendez compte que ça serait Claude François aujourd'hui? Il sera affreusement malheureux. Il faut savoir mourir à temps. Avec de vieilles Claudettes, peut-être? Ouais, non. Claudettes âgées, je voulais dire. Claudette, mais vous vous rendez compte la beauté d'invention que c'était les Claudettes. Enfin, ça c'est une autre histoire. Hein. Bon, alors, en tout cas, revenons à James Dean, Jean-Marie Perrier. 18 fois, vous l'avez vu, oui, mais pourquoi fois. Pas une 19e récemment? Vous avez peur? Ah si, je l'ai revu à peu près tous les ans. Ah oui, non, mais c'est un film absolument admirable. Mais bon, peut-être que moi, il me touchait particulièrement à cause des histoires de la complication de sa famille. Hein. Bien que la mère de James Dean dans l'histoire n'ait vraiment aucun rapport avec la mienne. Et qu'elle n'est pas doublée par... Heureusement, elle n'était pas doublée par ma mère. Non, ça aurait été effrayant. Ou par François Perrier, qui pourrait doubler le père. Enfin, ce serait complexe. Là. Non, je l'ai vu en version anglaise. S'il vous plaît. Alors vous changez de vie, dites-vous, mais vous changez pas d'amis. Écoutez, vous avez cité en première partie Jacques Dutronc. Vous allez le faire tourner. Oui, Antoine et Sébastien, c'était mon premier film avec son père. Enfin, c'était. Ouais. J'ai pu faire tourner Dutronc pour son premier film avec mon père. Vous vous rendez compte la chance que c'est de faire tourner son père et son meilleur ami ensemble. Et le plus fou, c'est que j'ai compris quelle était l'histoire après avoir tourné le film, c'est-à-dire au moment du montage. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce film, je demandais à Dutronc d'être le fils adoptif de mon père. Et je m'en suis absolument pas rendu compte que ça avait rapport avec la mienne. Mais François Perrier, lui, avait dû comprendre. Bah lui, il savait lire. Lui, il savait lire un scénario. Et c'est en ça qu'il est admirable d'avoir accepté de faire ce film-là, puisque c'était l'histoire dont il ne voulait plus jamais entendre parler. Bah ça, c'était mon père. Il voulait plus en entendre parler, mais dans Enfant gâté, Jean-Marie Perrier, vous racontez quand même que vous avez présenté l'un à l'autre. On a combien de temps là? Non, on a, écoutez, il n'est pas tard, la nuit ne fait que comme... Non, on est au milieu de la nuit, mais quand même... allez, vous n'avez pas pris de photo de cette séquence-là. Mais attendez, vous vous rendez pas compte. Je n'ai connu mon géniteur vraiment qu'en 84, quand je vivais à Los Angeles. J'étais là, à Mulholland Drive, sur ma maison de star, là, et tout à coup, il y a Barclay qui me téléphone, qui était en ville, tu veux pas venir dîner avec nous? Et boum, il me dit, je te passe mon secrétaire. Et j'entends, bon, ça va, j'ai compris. C'était Henri qui voulait me rencontrer. Bon, j'avais quand même 43 ans, je l'avais vu la dernière fois à 16. Il me dit, bon, ça va, il y a prescription. Mais ce qui est formidable, c'est que, bon, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais il m'a dit... Mais le livre existe, donc les auditeurs auront la suite. Oui, parce que c'est vraiment difficile à raconter en deux mots, mais ce qui est formidable... Non, c'est très émouvant, en tout cas. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il me dit, je vais partir à Las Vegas avec Barclay pendant 3 jours, viens avec moi. Je dis, oui, je te dirai demain matin. Et j'ai appelé mon père à Paris, quand même, en lui disant, écoute, voilà, je viens de le rencontrer, il voudrait que je parte, est-ce que je peux y aller? J'avais 43 ans, quand même. Il m'a dit, bah, évidemment, vas-y. Bon, alors la suite dans Enfant gâté. On le trouve je crois qu'on le trouve aussi en poche. On trouve tout. Avec une couverture affreuse. Parce que la couverture au départ était pas mal, mais alors la poche, c'est pas terrible. Pas une photo de Jean-Marie Perrier. Non. Mais il y a moi dessus, justement, c'est ça le problème. Alors, donc, la suite de cette histoire avec Henri et puis plus tard, présentation à François, tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement perturbé par cette histoire, parce qu'en fait, je ne m'en suis jamais remis. Écoutez, c'est quand même fantastique de penser que je suis là chez vous cette nuit-là, hein, que j'ai 80 ans dans 6 mois et que je vous parle d'une histoire dont je ne me suis pas remis depuis l'âge de 16 ans. Et je m'en sortirai jamais. Non, mais c'est fou, parce que j'étais obsédé. J'ai vu mon géniteur longtemps, pendant au moins 10 ans, après 84, je l'ai vu au moins pendant 10 ans, 12 ans, en cachette de mon père pour pas lui faire de peine. C'était très compliqué. Puis un jour, j'en pouvais plus. Il me dit, il faut que je les voie ensemble. Pourquoi j'ai eu cette idée, je sais pas. Et donc, je les ai invités à dîner. Et ils sont venus. Ils sont venus tous les deux. Heureusement, il y avait mon ami Julie Andrieux qui était là comme témoin et deux autres personnes qui étaient vraiment des amis tendres. Parce que je pouvais pas croire ce que je voyais. Ils étaient là tous les deux en face de moi. Et alors, ce qui était le plus fou, c'est que ces deux types qui étaient des artistes qui se connaissaient depuis toujours, hein, qui avaient absolument décidé de plus parler de ça, ils se marraient toute la soirée. Et moi, j'étais là, j'étais pas dans le film. Je me disais, mais c'est pas possible. Donc, en fait, ça n'a absolument rien résolu de les voir. Mais bon, voilà, ça va, c'est fait. Ce qui est formidable, c'est que mon père a accepté. Formidable. Mais c'était quelqu'un, hein. Et on peut écouter un petit Dutron, là, quand même, non, Jean-Marie Perrier? Mais j'entends bien. Alors, écoutez. Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les francs, comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mermidou, d'un grand bichou. D'un truc en plastique, en caoutchouc. Petite chose pour faire joujou et qui flambe vite comme Amadou. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les gens sont fous. Yo-yo ou la office coupidou, porte-clé et porte-chou. J'ai entendu parler d'un petit chouchou. Alors, c'est le chouchou de Salut les copains, Jean-Marie Perrier, non? Oh, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'étais tombé absolument fou de ce type qui, en fait, vivait avec mon ex. Donc, c'est ça qui était. C'est là où je leur trouve beaucoup de qualité aux deux, parce qu'ils m'ont accepté quand même. Parce que moi, j'étais le photographe du journal, d'accord. Oui, mais attendez. Première fois qu'ils font une photo ensemble, c'est moi qui l'a fait, la photo. En plus de ça. Quand Françoise a démarré et qu'elle était une gamine et qu'elle gagnait tout à coup des fortunes qui tombaient sur le dos, je lui avais dit, écoute, mon père m'a toujours dit que ce qu'il faut, c'est mettre de l'argent dans la pierre. Donc, on avait trouvé un terrain en Corse. J'avais fait, par un ami architecte, faire la maison, que j'avais d'ailleurs dessinée. Bon. Et comme le temps que cette maison soit construite, on était séparés avec François, j'ai donc jamais vécu avec elle dedans. Par contre, j'ai passé 40 ans avec Jacques dans cette maison. Non, mais c'était un type formidable parce qu'il était différent. Vous voyez, lui, il n'avait pas un nom américain, il s'appelait Dutronc. Hein, et puis il était en cravate, et puis il chantait des choses extrêmement agressives grâce à Lanzmann que j'avais présenté à son directeur artistique. Parce que c'est ça qui est fou quand j'y pense, que Wolfson, le type de Vogue, qui était un génie absolu, qui avait découvert et Johnny et Françoise, un jour me dit, tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire des textes? Moi, je connaissais Lanzmann, il travaillait à Lui Magazine à côté de mon bureau. Le même groupe. Donc j'ai dit oui, j'ai fait un dîner à la maison avec Lanzmann. Et ce soir-là, il a dit, bon, bah, écris-moi un texte. Et moi, ça s'appelait. Et boum, Dutronc arrive. Oh, mais c'est formidable. Alors, Jean-Marie Perrier, on va donc poursuivre et terminer cette nuit rêvée. On ne la termine pas complètement parce qu'on va se retrouver en toute fin de nuit. Paul Jégoff, Pascal Jardin et puis James Dean. Vous ne pouvez plus passer de soirée, de nuit avec Paul Jégoff, avec Pascal Jardin. Vous pouvez passer des nuits à regarder des films de James Dean. Que faites-vous la nuit, en fait, à part écouter les nuits de France Culture, bien entendu? Écoutez, je n'ai pas vraiment d'horaire parce que je travaille beaucoup. Je n'ai jamais été aussi occupé que depuis que je suis censé être à la retraite, d'ailleurs, ce qui est une bénédiction. Parce que moi, vous me mettez à la retraite, je suis mort dans l'année. Hein. Donc, comme j'ai fait au fond que des choses que pour m'amuser, si on m'arrête, je meurs. Donc, ça dépend. J'écris des textes. Oui, on n'a pas parlé de vos nouvelles publiées donc, chez Calman Levy, Près du ciel, loin du paradis. J'ai la chance de ne pas attendre ça pour vivre. Bon, c'est une chance énorme, vous comprenez? Donc, je l'écris pour le plaisir. Et là, je me suis pris le plaisir d'écrire un livre qui est tout ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Parce que, vous savez, j'en peux plus. Moi, tous ces gens, on vous explique, la beauté du troisième âge, comme le film de Claude Lelouch. Enfin, tout le monde est beau, tout le monde, c'est merveilleux d'être vieux. Moi, je trouve ça horrible d'être vieux. Donc, j'ai écrit un livre de nouvelles sur l'horreur d'être vieux et je me fous complètement que ça plaise. Ça, vous savez, c'est un luxe, hein. Bon, votre nuit rêvée continue, Jean-Marie Perrier. Écoutez bien et puis on se retrouve quelques minutes avant 7h.